Love me, baby, love me when I'm down. And me, oh Lord, I

c'est un peu chiant comme truc. Non, non. Je répondais oralement à un écrit. T'as un châle dessus en même temps. Voilà. Non, non, c'est un pote qui est là. Et ceux qui connaissent pas Ninjam savent pas qu'il y a le chat et qu'on peut parler en même temps. I'm just a poor boy, and my story seldom. I've scanned my resistance for a pocket full of men, but such I promises. Oil as I'm just steal the man here what he want we and disregard the rest. Whoa, whoa, whoa. Ah ben moi je me cale sur la rythmique. Je balance n'importe quoi en essayant de m'accrocher après.